إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه الطفل محمد صلى الله عليه وسلم أبيه Nul d'entre vous n'est croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et Allah subhanahu wa ta'ala yaqul وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ Allah subhanahu wa ta'ala dit: et qui est meilleur en parole que celui qui invite les hommes à Allah, que celui qui appelle à Allah et qui fait des bonnes œuvres et qui dit je fais partie des musulmans, je suis du nombre des musulmans. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit, يقول تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله سبحانه وتعالى يزيد qu'il y ait parmi vous ou qu'il y ait entre vous un groupe qui invite les autres au bien, يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف, ils ordonnent, ils commandent aux autres de faire le bien et à eux-mêmes également, وينهون عن المنكر, et ils interdisent tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mauvais. Et c'est ceux-là qui auront le succès. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa ulaika hum al-muflihun. C'est eux qui vont avoir al-falah. C'est eux qui vont avoir le succès. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle de ces versets-là pour nous inciter et pour nous inviter à appeler les gens au bien. Donc, on peut comprendre dans ces versets-là une chose très importante. C'est que notre religion, la religion de l'islam, c'est pas une religion qui appelle à l'égocentrisme. C'est pas une religion qui appelle à l'égoïsme, à garder le bien pour soi-même et à ne penser qu'à soi-même et en même temps à délaisser les autres et à abandonner les autres dans le mal ou dans l'égarement. Le musulman, il ne pense pas qu'à lui-même. Il ne pense pas qu'à être lui-même sur le droit chemin, il ne pense pas seulement à lui-même à faire ce qui est bien, mais en même temps, il pense aussi aux autres qui sont autour de lui. Et il aime pour les autres ce qu'il aime pour lui-même. Et donc, si tu aimes pour toi-même le bien, et si tu aimes pour toi-même la guidance, et si tu aimes pour toi-même le droit chemin et la vérité, alors comment tu peux négliger les autres qui sont autour de toi? Et comment tu peux laisser les gens vivre dans l'égarement et suivre leur passion et tomber dans tout ce que Allah leur a interdit, de ce qui est mauvais pour eux. Hein? Donc c'est très important de comprendre ce principe. que le musulman il appelle les autres au bien. Il invite les autres humains au bien. Et il n'a pas cette mentalité ou cette idée ou cette philosophie que certains d'entre les êtres humains possèdent aujourd'hui, c'est-à-dire d'avoir l'idée qu'il faut vivre et laisser vivre. C'est-à-dire qu'il faut laisser les gens faire tout ce qu'ils veulent et tout ce qu'ils pensent. Et que le bonheur dans ce monde consiste à faire tout ce qu'on désire et à faire tout ce que notre âme nous pousse à faire et à faire tout ce que le shaitan nous invite à faire. Parce que si tu suis toutes tes passions et si tu obéis à chaque suggestion du shaitan, tu deviens un esclave. Tu deviens un vrai esclave dans le vrai sens du terme. Tu deviens l'esclave de toi-même, de tes passions les plus basses. Tu deviens l'esclave du shaitan. Donc la liberté, c'est pas de faire ce qu'on veut et de suivre nos passions. La vraie liberté, c'est justement de se libérer de toutes ces tentations, de toutes ces passions, de toutes ces suggestions mauvaises, de ce qui nous invite au mal, et de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, et d'obéir à ses ordres, et de s'écarter de ce qu'il nous a interdit. Et lorsqu'on a appliqué cette signification-là, c'est à partir de ce moment-là qu'on devient réellement libre, et qu'on devient un esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous ceux qui ne sont pas des esclaves d'Allah subhanahu wa ta'ala sont des esclaves du shaitan. Tous ceux qui ne sont pas des esclaves d'Allah subhanahu wa ta'ala sont des esclaves de leurs passions et de leurs désirs les plus bas. Et c'est pour ça donc encore une fois que le musulman doit inviter aux autres et inviter les autres au bien et à la vérité et à la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala pour leur bien. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الرسول صلى الله عليه وسلم من سيد الله صلى الله عليه وسلم il dit par Allah, il jure par Allah subhanahu wa ta'ala que si Allah subhanahu wa ta'ala guide une personne par son intermédiaire, c'est-à-dire qu'il fait de toi la cause de la guidance d'une personne, c'est meilleur pour toi que toutes les richesses, les plus grandes richesses de ce monde. À l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une des plus grandes richesses que les gens pouvaient posséder, c'était les chameaux. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné l'exemple à partir de ce qu'il connaissait par comme richesse. Et donc, c'est pour nous faire comprendre que celui qui appelle les gens au bien et que les gens acceptent sa da'wah et le suivent dans la vérité, il aura la récompense de ce qui est de plus beau, de plus recherché dans ce monde. Humr al-ni'am. Et dans une autre narration de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit خير لك من الدنيا وما فيها. C'est-à-dire c'est mieux pour toi que la dunya entière et tout ce qui est dedans. Hein? Donc lorsque tu invites quelqu'un à faire quelque chose de bien, tu invites quelqu'un à une guidance, tu invites quelqu'un à l'islam, tu invites quelqu'un à pratiquer une sunna, tu avertis quelqu'un contre une innovation ou contre une bid'a, et que la personne suis ton exemple et accepte ton invitation, eh bien, à cause de ça, tu auras la récompense de ce que tu ne peux même pas imaginer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, يقول الرسول sallallahu alayhi wa sallam, من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui invite à une guidance, à quelque chose de la guidance, il aura la récompense de cette guidance qu'il a suivie et qu'il a invité cette personne-là à faire, et il aura également la récompense de tous ceux qui l'ont suivi dans cette guidance, sans que ça diminue quoi que ce soit de sa récompense à lui. Et donc ça c'est quelque chose qui nous fait comprendre que lorsque tu appelles les gens au bien, tu fais du bien à toi-même et tu fais du bien à cette personne, et tu auras la récompense de tous ceux qui t'ont suivi dans ce bien, jusqu'à la fin du temps. Donc imaginez, si tu enseignes à quelqu'un quelque chose de bien dans cette dunya, à faire la salat, à faire le wudu, hein, ou bien tu lui apprends une sunna, ou bien tu l'avertis d'une bid'a, et tu l'égares de quelque chose de, tu l'éloignes de quelque chose de haram, et tu lui rappelles l'importance du tawhid ou les choses de la religion, eh bien, chaque fois qu'il va faire cette action-là, tu auras toi la récompense. Et si lui, il l'enseigne à quelqu'un d'autre, tu auras ta récompense et la récompense de la personne à qui il l'a enseigné. Et à chaque fois comme ça, ça se multiplie, hein, de façon exponentielle. Et on ne peut même pas calculer combien de récompenses on peut accumuler comme ça jusqu'à la fin des temps. Même après ta mort, tu vas continuer à accumuler des hasanats parce que tu as enseigné du bien aux gens. Et donc ça c'est quelque chose qui doit nous faire réfléchir. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, « Man zalla ala khayrin salahu mitla ajri fa'ilihi » Celui qui indique aux gens de faire un bien, il aura la même récompense que celui qui a fait ce bien. Et donc ça c'est encore une fois une incitation pour nous de se concentrer à faire le bien et à appeler les gens au bien. Et on vit dans une société où il y a beaucoup de contradictions avec les principes de l'islam, avec les principes de la religion musulmane. On voit des contradictions dans tous les aspects, dans tous les degrés, dans tous les niveaux de la religion. Sur le plan de l'aqida, on voit toutes sortes de formes de coupes, du rejet de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'adoration des idoles. Il y a des gens qui adorent toutes sortes d'idoles, il y a des gens qui adorent d'autres, toutes sortes de choses, toutes sortes de créatures, des idoles, des images, des hommes, des êtres humains, des croix, des statues. Il y en a qui adorent le soleil, il y en a qui adorent la lune et d'autres choses. Comme à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a commencé sa da'wah. Le shirk qui existait à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'il est venu combattre, il existe encore aujourd'hui. De différentes manifestations, de différents exemples. Il y a d'autres égarements également et d'autres formes de mécréance aussi qui sont répandues partout, parmi même certains musulmans, qui par exemple rejettent des aspects de la religion musulmane, quand c'est en contradiction avec leur passion, ou quand c'est en contradiction avec leur désir. Et ça aussi, c'est des choses qui sont très graves et très dangereuses. Et il y a toutes sortes de formes d'innovation et de dégâts qui sont pratiquées aussi parmi les musulmans. Des choses qui n'ont aucune source, ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. Celui qui fait une action qui ne fait pas partie de notre religion, elle ne sera pas acceptée, elle sera rejetée, cette action. Donc si tu pratiques quelque chose de l'islam et qu'elle n'a pas de référence, elle n'a pas de source dans les textes authentiques de l'islam, elle ne sera pas acceptée. Même si tu te pratiques jour et nuit à pratiquer cette pratique, elle ne sera pas acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. En ce qui concerne les règles de halal et de haram et les règles de la religion en général, on retrouve beaucoup d'autres contradictions qui sont peut-être moins graves que les contradictions qu'on retrouve dans l'aqida, mais qui sont quand même dangereuses et très graves aussi. Les péchés et les contradictions dans les questions de akhlaq, les questions de comportement. Tout ce qui a rapport avec le halal et le haram, que ce soit le zina ou le vol, ou le meurtre, l'homosexualité, at-tabarruj, les femmes qui montrent leur corps et qui ne couvrent pas leur corps correctement, la drogue, l'alcool, les cigarettes et le riba. Des fois, on trouve des musulmans à la sortie de la mosquée, ils allument la cigarette. Et ils pensent que c'est correct. Et ils nuisent à eux-mêmes, à leur propre corps, à leur propre poumon, à leur propre organisme. Et en plus, ils font du tort aux autres qui respirent leur fumée. Hein, et ils gâtaient le bien que Allah leur a donné, comme si c'était rien du tout. Et il n'a même pas honte, alors qu'il vient de sortir de la mosquée. Et donc ça c'est quelqu'un qui ne pense pas au bien, et qui n'invite pas les autres au bien. Et c'est notre devoir à nous, les musulmans, de rappeler à nos frères de leur expliquer que ça c'est quelque chose de mauvais. Ça c'est un exemple parmi les exemples qu'on retrouve beaucoup chez les musulmans et donc c'est important de le mentionner. Donc le musulman il doit pas faire de froid devant tout ce qu'on a mentionné comme choses qui sont contraires à l'islam. On ne doit jamais faire de froid pour s'imaginer qu'on ne sera jamais capable de changer ça. Regardez l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un être humain, un seul homme, tout seul. Un seul homme, sallallahu alayhi wa sallam, qui s'est tenu devant l'humanité entière. Il était seul à Mecca. Personne avec lui. Et il dit aux hommes, la ilaha illallah. Rien ne mérite d'être adoré, excepté Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur de l'univers. Rien ne mérite d'être adoré, excepté Allah. Et tout ce que vous adorez en dehors d'Allah, c'est bâtil, c'est faux, c'est à rejeter. Et toute l'humanité est là devant lui, et il n'a pas peur. Et il dit la vérité, et il appelle les hommes à la vérité. Il appelle les hommes au tawhid et à l'islam, et à suivre son exemple et à obéir les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si un homme seul, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, a été capable de changer la face de l'humanité avec le message de la ilaha illallah, qu'est-ce qu'une communauté comme la nôtre est capable de faire si elle s'accroche fermement au message d'Allah et au message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'elle l'applique sur elle-même et qu'elle invite les autres à respecter et à suivre ce message? Quel impact elle est capable d'avoir sur cette société? Sur cette société ici et sur les autres sociétés dans le monde, que ce soit dans les pays musulmans ou dans les pays non musulmans, c'est la même chose. On a une seule mission et c'est la même partout, d'appeler les hommes à l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala nous a chargés de cette tâche. C'est pas à quelqu'un d'autre à le faire, c'est pas à une autre communauté à le faire, c'est pas à une autre nation à le faire, mais c'est aux musulmans à le faire. Et si nous on l'a abandonné, qui va la prendre cette charge? وإن تتولوا يستبدل قولا غيركم ثم لا يكون أمثالكم. Et si vous vous détournez de cette obligation, Allah Ta'ala va faire venir un autre peuple. Ils ne seront pas comme vous. Donc ça c'est un rappel pour nous, une menace pour nous aussi. Que si on néglige notre obligation, Allah va nous remplacer par un autre peuple. Il n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait ce désir ardent de voir les hommes suivre la vérité, de voir les gens accepter le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala il dit wa ma akthara an-nas wa law harasta bil mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et même si tu en as le désir ardent, parce que la majorité des hommes ne vont pas croire. Mais ça c'est un rappel pour nous faire comprendre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait ce hirf, il avait ce zèle de voir les hommes suivre la vérité. Aujourd'hui on nous dit qu'il ne faut pas faire du prosélytisme, ne pas appeler à l'islam, ne pas faire de da'wa. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait ce hirf, il avait ce zèle de voir que les hommes acceptent la vérité pour leur bien à eux. Et Allah sallallahu alayhi wa sallam dit « وَإِنْ تَحْرِفْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلْ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. Et si tu as ce désir ardent de les voir guider, sache que Allah subhanahu wa ta'ala ne guide pas ceux qui les gardent et ils n'auront pas de secours. Donc ça c'est pour nous rappeler que encore une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a ce shirk. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضِيقٍ مِمَّا يَنْكُرُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala il lui dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne sois pas triste pour eux et ne te laisse pas t'envoiter de ce qu'ils complotent et de ce qu'ils rusent contre toi. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. Ne laisse pas ton âme se remplir de regrets de les voir égarés, de voir qu'ils n'acceptent pas l'islam. Mais ça montre en même temps que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait cette angoisse, il avait cette tristesse, il avait ses regrets de voir que les gens n'acceptent pas la vérité, de voir que les gens s'éloignent de la vérité. فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Tu vas peut-être te consumer de chagrin parce qu'ils se détournent de toi et ne croient pas en ce discours. Ça montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait du chagrin. un grand chagrin dans son cœur de voir que les hommes n'acceptent pas la vérité. Aujourd'hui, on voit des musulmans qui sont dans l'égarement, qui s'éloignent du message d'Allah, qui s'éloignent de l'islam. On n'a aucun chagrin dans notre cœur. On n'a aucune tristesse dans notre cœur. On passe à côté de hommes, c'est normal. On passe devant nos femmes qui ne sont pas voilées, qui ne sont pas couvertes comme il faut. C'est comme si c'est rien. C'est comme si ce n'était pas grave. On passe devant les musulmans qui font des folies, qui font des bêtises. Et puis c'est comme si c'était rien du tout. Et comme si ça ne touchait même pas. Comme si on n'avait pas de chagrin, pas de peine dans le cœur, pas d'angoisse du fait de les voir égarés, du fait qu'ils ne viennent pas prier à la mosquée quand c'est l'heure de la salat. Aucune tristesse, aucun chagrin dans notre cœur à cause de ça. Ça, c'est un problème dans notre foi. C'est un problème dans notre cœur et qu'il faut travailler sur ça. Et le prophète sallallahu nous dit dans un hadith, « Anam nadirul uryan » Il dit, « Je suis un avertisseur nu. » Il dit, « C'est comme l'homme qui est sur une colline. Il voit l'armée ennemie qui approche. Il descend en courant, mais il n'a pas le temps d'appeler les gens. Parce que s'il appelle les gens, déjà l'ennemi aura le temps d'avancer. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il enlève ses vêtements. Hein, c'est une coutume que les gens avaient dans à l'époque. Il enlève ses vêtements, il court dans le village. Sans ses vêtements, tout le monde sait qu'il y a un grand danger qui approche. Il n'a pas besoin de crier ou de dire quoi que ce soit, les gens comprennent tout de suite à le voir. Le professeur Anselme, il s'est comparé à cet exemple-là. Il a dit, « Ah, le nadir, le Orient, je suis l'avertisseur, nous. » Et donc, ça, c'est les exemples qu'on doit comprendre. Et le professeur Anselme a dit, « Man ra'a minkum munkaram, fal yughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika adha'fu l'iman. » Le professeur Anselme a dit, « Celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il le change avec sa main. » Et s'il n'est pas capable de le faire avec sa main, qu'il le change avec sa langue. Et s'il n'est pas capable de le changer avec sa langue, qu'il le change avec son cœur. Et ça, c'est le minimum de la foi. Donc, on doit être prêt lorsqu'on entend des gens dire des paroles de coupe et dire des choses contraires à l'islam. On doit être prêt quand on voit des gens en train de faire des choses qui sont contraires à l'islam. Et ça, ça fait partie de la foi. Et c'est le minimum de la foi. Et donc, on doit encore faire plus d'efforts, nous les musulmans, inshallah, pour faire un changement et améliorer les choses. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الرسول صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم لقد محمد صلى الله عليه وسلم عزيز لا كيف de la science et la recherche de la connaissance de l'islam est une obligation à chaque musulman. Et pourquoi on mentionne ça ici? Parce qu'on a parlé de la da'wah, on a expliqué l'importance de cette da'wah. Et en même temps, on veut faire comprendre que la priorité maintenant pour les musulmans, c'est d'acquérir la connaissance. Parce que tu ne peux pas faire la da'wah sans cette connaissance. Et d'appeler avec connaissance. Et est-ce qu'on a besoin de faire également comme priorité pour nous les musulmans maintenant, dans cette société et dans les autres sociétés également, c'est de réformer. De réformer tout ce qui est contraire à l'islam. Qu'est-ce qu'on doit changer dans cette société-là? Qu'est-ce qu'on doit changer? C'est ça la question qu'on devrait se poser. Qu'est-ce qu'il faut changer? Premièrement, il faut changer le couple et le shirk. Et tout ce qui est contraire à la foi à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la priorité. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé à Makkah, c'était quoi la priorité pour lui? De changer le couple et le shirk qui était dans la société. Éliminer l'idolâtrie, éliminer le couple, éliminer le shirk. Ensuite, les bid'ah et les péchés et les choses qui sont contraires à la pratique. Combattre ces choses-là et lutter contre ces choses-là. Ça, c'est des priorités. Imaginez tout ce qu'on peut faire de bien et tout ce qu'on peut faire pour inviter les hommes au bien et tout ce qu'on peut faire pour éloigner les gens du mal dans cette société. Il y a des péchés qui sont haram en eux-mêmes et qui sont des choses claires dans le Coran et dans la Sunna. Et il y a d'autres péchés qui encouragent à faire d'autres péchés. Tout ce qui encourage à faire d'autres péchés, ça c'est très dangereux. Il faut commencer aussi à se concentrer sur ces choses-là. La musique, lorsque vous voyez un endroit où il y a de la musique et où les gens se réunissent, pour faire quelque chose de haram, il y a toujours de la musique. Et les paroles qui sont dans ces musiques-là sont souvent des musiques ou des paroles qui incitent à faire le haram. De même que les autres péchés qu'on a mentionnés, tout ça c'est toujours entouré de ces choses-là. Hein? Donc se concentrer sur ces choses-là. Essayer de réformer notre entourage, notre maison, notre famille, les gens qui sont proches de nous, notre femme, notre mère, notre père, nos enfants, leur passer le bon message, leur ordonner le bien, leur interdire le mal. Changer tout ce qui est contraire à l'islam dans notre maison en premier. Mettre dehors tout ce qui est haram, tout ce qui est mauvais. Purifier notre maison en premier et après purifier notre quartier, notre entourage. Et après purifier notre mosquée, purifier notre ville. Et ainsi de suite. Petit à petit, les choses vont s'améliorer, Inch'Allah. الله سبحانه وتعالى إذ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون تدوى الله سبحانه وتعالى إذ يقول لك avec lui pourquoi vous dites que vous ne faites pas et c'est une grande abomination pour Allah سبحانه وتعالى que vous disiez que vous ne faites pas. Commencez par donner le bon exemple, commencez par pratiquer pour vous-même la vérité, ensuite appelez les autres au bien. الله سبحانه وتعالى يقول أفتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون est-ce que vous ordonnez aux autres le bien et vous oubliez vous-même alors que vous lisez et vous récitez le livre, n'avez-vous pas réfléchi, n'avez-vous pas compris? Et donc ça c'est des choses pour nous faire comprendre qu'il faut commencer par soi-même à ordonner le bien avant d'interdire aux autres, mais aussi donc tout ça vient ensemble, tout ça c'est important. Et il faut savoir que la terre appartient à Allah, et que lorsqu'on marche sur la terre d'Allah, on n'a pas le droit de désobéir à Allah. Que ce soit la France, que ce soit le Maroc, que ce soit l'Algérie ou un autre pays, c'est la terre d'Allah. Et lorsque tu marches sur la terre d'Allah, tu n'as pas le droit de désobéir à Allah. Tu ne peux pas faire ce que tu veux sur la terre d'Allah. Parce que peu importe où tu viens, peu importe ce que les gens croient dans cet endroit-là, ça appartient à Allah quand même. Et donc tu dois obéir à Allah et adorer Allah là où tu es. Hein? Et bien entendu, changer le mal, s'il y a du mal, le faire devenir bien. Et si tu ne peux pas changer le mal, si tu es incapable de te changer toi-même dans cet environnement-là, quitte cet environnement, pas dans un autre environnement qui est meilleur. Ça s'appelle la hijra. De quitter l'endroit où tu n'es pas capable d'avoir une influence, et toi tu risques d'être influencé dans le mal, et tu t'en vas vers l'endroit où il y a le bien. Où tu vas être capable de pratiquer ta religion dans le bien et ne pas t'égarer. Et donc, tout ça c'est important. Et Allah Ta'ala nous a enseigné dans Surah Al-Fatiha de toujours dire Ihdina Sirat al-Mustaqim. Dans chaque rak'ah, on récite Al-Fatiha, on dit Oh Allah, guide-nous vers le droit chemin. Sirat al-Ladina an'amta alayhim, Sirat al-Ladina an'amta alayhim, ghayr al-Maghdoubi alayhim, al-Dhalin. Le chemin de ceux qui ont eu la grâce sur eux, et non le chemin de ceux qui ont trouvé la colère d'Allah, ou de ceux qui se sont égarés. Et ceux qui ont trouvé la colère d'Allah, c'est ceux qui avaient la science, mais qui ne l'ont pas appliquée. Et ceux qui se sont égarés, c'est ceux qui n'avaient pas de science, et qui ont essayé d'adorer Allah avec leur ignorance. Et ces deux voies-là, c'est des voies d'égarement. Et nous, les musulmans, on doit être dans le juste milieu. C'est-à-dire pratiquer avec science, et en même temps, ne pas négliger la pratique. C'est-à-dire, si on connaît quelque chose, on l'applique, et on n'applique pas quelque chose sans avoir la connaissance. On n'adore pas Allah par ignorance. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين واهدنا إلى صراطك المستقيم وقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله